Dimanche le 28 août, déclenchement des élections au Québec. Monsieur Legault est en ce moment chez le gouverneur général, je ne sais pas trop lui. Ben oui, parce qu'il s'apprend la permission de Sa Majesté pour bon, représentant de Sa Majesté pour déclencher des élections. Il y a personne encore, j'espère que le son est correct. C'est sûr que le dimanche matin, comme ça, là. Il y en a peut-être qui sont pas là, c'est possible, hein? Donc, ah, il y a une personne qui vient d'arriver. Donc, j'espère que le son est correct. Bonjour, Lulu. Donc, bonjour, mes sœurs. Ça commence à arriver, Marie-Jeanne, mystère guerrière. Tiens, je vais mettre un petit coussin. Le son est bon. Bon, parfait. Donc, Melchisedec, bonjour, le son est OK. Bon, ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le déclenchement des élections. Monsieur Legault a besoin de la permission du représentant de Sa Majesté, étant donné que nous sommes une colonie. J'irais même jusqu'à dire une entreprise presque privée maintenant, le Canada. Bonjour, Jean. Bonjour, Marie. Donc, bon. Virginie, bonjour. Donc, bon. C'est certain que en ce moment, il y a une petite accalmie. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections au Québec. Parce que si vous regardez du côté de la France, on sent déjà un petit peu, ça recommence, là. Il y a des choses qui recommencent. Bon, ah, bonjour Virginie, je vous l'avais dit. Il y a aussi beaucoup de choses en ce moment, là, qui, bon, j'ai vu que dans certains coins, là, il y a pas mal de gens d'un certain âge, là, qui, bon, ils jouent de la guitare, puis ils chantent des chansons. C'est un petit peu la suite des messes à gogo. Puis bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est correct. Rien contre ça. Mais là, c'est quand je les vois coucher par terre là, avec des chants de bol. Là, puis de, bon, un petit peu, ça me fait un petit quelque chose. J'aime pas trop ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est correct aussi. Ça aussi, c'est la suite des années 60, 70. Les années 80 qui ont été très, très au niveau de la mode ésotérique. Donc, bon, c'est correct, il ne faut pas se tromper de cible. Oui, ils ont mis le booster en France, la couleur est annoncée, voilà. Ben oui, ici, bon matin, et aussi à vous tous, bon matin, valeureuse. Oui, en ce moment au Québec, on est le dimanche matin, donc c'est surtout des gens de la France, d'après moi, qui sont là. Je sais qu'il y en a quelques-uns du Québec. Mais le dimanche matin, les Québécois, bon, des fois, bon, ils font d'autres choses, puis c'est correct. Là, souvent, c'est la seule journée où ce qu'on a du temps pour faire un petit peu d'entretien. Puis oui, en ce moment, il y a les élections au Québec. Ah oui, Toulouse. Bon, non, en ce moment, au Québec, nous, on a une petite accalmie parce que c'est le déclenchement des élections. Donc, ils sont très, très gentils. Ils sont très, très gentils en ce moment. Il y a pas de mesure, il y a rien. Puis c'est à cause des élections, donc on peut considérer, est-ce que c'est vraiment des enjeux de santé? Depuis le début, on sait que non. Oui, de France. Ah, en Alsace. Donc, vous êtes proche de les cousins germains dans ce coin-là. C'est drôle, hein? La meilleure vétérinaire que j'ai connue venait d'Alsace, d'Alsace-Lorraine. Donc, bon, je trouvais ça comique. Ben oui, mais ça a appartenu à. Bon. Hein? Ben oui. Bon, ben, j'ai des nouvelles du chat, là, ça guérit, puis il est de plus en plus fatigant, là, il veut aller dehors. Probablement qu'il y a une inquiétude de perdre son territoire. Donc, ça le travaille beaucoup. Puis, cette nuit, j'ai été réveillé. Je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit. Bonjour, Lucie. Donc, j'ai, comme beaucoup d'entre vous, probablement, j'ai beaucoup de rêves ces temps-ci. Puis, vous savez pas ce qui m'ont fait rêver. Cette nuit, il y a des Alsaciens. Ben oui. Mes arrière-grands-parents étaient allemands. Ben oui, c'est sûr, c'est un petit peu comme Dans certains autres coins de la France, là, il y a des aïeux espagnols, puis il y en a d'autres, bon, c'est des aïeux italiens. Il y a même certains coins de l'Italie que c'est carrément des Tyroliens qui vivent là. Donc, bonjour, Denis Solange, Richard Jordan, moi, c'est toute une famille. Donc, de quoi? Ah oui, j'ai fait un... Ils m'ont fait faire un rêve. J'ai rêvé que je déménageais. J'étais dans un bloc appartement, puis je déménageais un étage au-dessus. Puis, j'étais pas mal en moyen parce que j'étais moi-même surpris de voir mon mobilier. Puis, il y a un gars qui était là, qui était, semble-t-il, là pour m'aider, puis il faisait rien. Il faisait rien du tout. Donc, ça, habituellement, je sais ce que ça symbolise, là. Un autre moi, si on peut dire, que lui, il n'est pas dans la matière. Donc, je le comprends, le rêve. Je le comprends très bien. J'avais eu plusieurs rêves ces derniers temps qui étaient extrêmement flous, qui étaient boueux, qui étaient dans des symboliques habituelles, là, archétypales, déplaisantes. Ben, moi, pour moi, c'est devenu déplaisant. Ça me met en colère. Je trouve ça insultant. Puis finalement, bon, c'est sûr qu'intérieurement, je me plaignais un petit peu. Puis je disais, donnez-moi quelque chose d'intéressant. Puis j'ai fait ce rêve-là cette nuit, que je déménageais un étage plus haut. Bon, donc c'est peut-être aussi une façon de me donner un petit peu de, comment je pourrais dire ça, un petit bonbon pour me motiver à continuer. Puis possiblement que c'est carrément ça. Donc, mais comme je suis pas non plus couché par terre à écouter des champs de boules de cristal, je vais considérer quand même que ces forces-là sont quand même encore assez honnêtes. Donc, même si des fois c'est difficile de voir ce que les intelligences au-delà de la forme essaient de nous dire, étant donné que justement ça nous passe à travers, ça ramasse des formes. Donc, des fois c'est, oui, Marie-Jeanne, ah oui, Strasbourg. Il y en a qui, je connais quelqu'un qui a vécu un bout de temps à Strasbourg. Des belles villes, des vraies belles villes, là. Au Québec, on n'a pas beaucoup de belles villes. Il y a la ville de Québec, dont les fortifications sont au fond du temps de Vauban. Ben, ce qui n'a pas été détruit là, par les Anglais, parce qu'ils aiment voir des perspectives. Ouais. En tout cas, bon. Donc, c'est ça. C'est normal en ce moment de faire beaucoup de rêves, c'est lié au temps de l'année. Ici, pas de rêve à proprement dire, mais sensation de se faire farcir d'informations sans aucun souvenir le lendemain. Ah oui? Ben, c'est pas nécessairement un mauvais signe, ça. Au contraire. Moi, j'aimerais mieux ça. Mais franchement, il y a une partie de nous qui la voit, l'information. C'est pas tout le temps pour l'ego. Puis bon, ceux qui se sont intéressés un peu comme l'ajusteur de pensée, ces choses-là, c'est certain que au niveau de l'intuition, au niveau de certaines intuitions très fortes, on se rend compte avec le temps que jusqu'à un certain point, on se fait un petit peu désinformer des fois, on se fait un petit peu niaiser. À un moment donné, quand ça devient plus clair, puis que l'information est moins désinformée, puis plus informée un petit peu, puis c'est pas obligé d'être au niveau de l'intellect, là, on peut considérer qu'il y a un ajusteur de pensée. Après, quand ça se densifie de plus en plus, là, il va pouvoir y avoir un rapport plus direct. Donc, ce qu'on a appelé par après le double. Et que d'autres considèrent comme l'ange gardien, mais à mes yeux, ça revient au même. C'est juste, c'est pas la même forme, mais à mes yeux, c'est à peu près le même phénomène. Le double, c'est parce que c'est une forme qui permet d'être, de plus appréhender ces choses-là d'une façon peut-être un petit peu plus objective, étant donné que ça charrie moins de vieilles choses. Même le souvenir d'avoir entendu un mot clairement à l'oreille gauche, encore, là, sans aucun souvenir le lendemain, ah oui. Oui, hein, puis vous savez que dépendamment si c'est l'oreille gauche ou droite, il y a quelqu'un avec qui je discutais dernièrement. Bon, Melchisedec qui me fait un clin d'œil, qui me parlait de l'iconographie avec les auréoles autour de la tête. Il me dit, c'est étrange, c'est tout le temps à plat, puis c'est collé comme sur la tête, à un point précis. Puis j'ai dit, ben, c'est ce qu'on appelle le vertex. Puis par après, elle dit, ah, c'est le mot qui m'avait été dit. Ben oui. Mais des fois, on peut se souvenir de choses du futur. Donc, c'est peut-être parce que j'allais dire ça, là. C'est pour ça de ne pas prendre ça. J'ai regardé les vidéos des super rapidement. J'ai arrêté. C'est fou les disputer. Voilà. C'est pour ça que moi aussi, je me suis un petit peu fatigué. J'ai pas envie de. Bon, c'est là qu'il y a un détournement de l'énergie, hein, pour créer de la division. Puis c'est quoi qui divise? C'est quoi le principe de la division? Ben, c'est ce qu'on appelait anciennement, là, el diavolo, diaboli, ou si vous voulez, le diviseur. Donc, jusqu'à un certain point, c'est de la subjectivité. On n'est pas obligé de mettre des formes à ça, mais on se trompe de cible, là. C'est pour ça que là, on m'a envoyé ce matin, j'avais un lien vers une vidéo, puis je voyais des gens là qui s'étaient réunis, qui jouaient de la guitare, puis qui se couchaient par terre pour écouter des chants de bol de cristal, puis des choses comme ça. Puis oui, ça me choque un peu de voir des encensoirs, des choses comme ça. Pas des encensoirs d'église, là, des encensoirs de. Ben, vous savez, là. Donc, bonjour l'oiseau moqueur, t'es de bonne heure pour un dimanche. Ben, j'ai regardé ça, puis oui, ça me choque un petit peu, mais le tam-tam de Montréal, moi, c'était des gens de Montréal qui sont déplacés en région, je pense. Puis, c'est sûr que ça me choque un peu, mais je peux pas me choquer contre ça, parce que justement, je le vois, là, que bon, faut pas qu'on se trompe de cible non plus. C'est des gens qui peuvent avoir une certaine naïveté. Puis ça prépare des chocs. C'est correct. Donc, je regarde vos vidéos de David et parfois Sergio. Les autres, c'est même pas la peine. C'est une perte de temps. Désolé à dire. Bonjour, Mimi. Ben, une perte de temps, ça dépend à qui. C'est comme, vous savez, Armand Desroches, dont je parlais, qui est décédé récemment. Il y a eu un de ses entretiens, il accorde une entrevue à quelqu'un. Puis c'est très, très intéressant. Mais pas dans intéressant dans le sens que ça suscite un intérêt, mais intéressant dans le sens qu'il y a une justesse au niveau de sa parole, ce monsieur-là. Il était très. Moi, des fois, je suis un petit peu impétueux, puis des fois, je suis un petit peu plus bouillant. Puis c'est pas ça qui aide vraiment l'objectivité. Mais là, on avait un monsieur d'âge mûr avec beaucoup d'expérience. Puis c'est très recentrant. En tout cas, ce que je trouve là, c'est comme ben aussi les vidéos Supra, bon, les audios, il y a M. Kemp, qui est bon, des fois, je n'ose pas dire, ben, en tout cas, là, bon, c'est pas grave, là. Bonjour, CSK2. Il y a aussi. Il y avait Moses, Monsieur Moses, qui était pas pire. Marc de la Salle, oui, Marc de la Salle aussi, très intéressant. Mais intéressant encore là, pas dans le sens qu'il suscite un intérêt, mais intéressant dans le sens que ça peut être recentrant. Il avait fait un audio où il parlait les nouveaux initiés, puis il avait voulu que je l'écoute. Puis il me l'avait fait parvenir, c'était en vente, mais j'avais eu un lien gratuit. Puis c'est drôle, hein, je me souviens de rien. Je me souviens pas de la teneur de son propos. Puis ça, c'est bon signe. Ben, bon. Ah oui, j'ai vu une dame avec Armand, mais j'ai pas fini la vidéo et j'ai oublié le nom de la dame. Il faut que je retrouve la vidéo. Oui, ben quand on tape Armand Desroches sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est une entrevue qui est facile à retrouver. Moi, ce que j'avais vu, c'était juste une image, où on voyait une silhouette humaine avec un rayonnement qui partait du centre du crâne. C'était ça l'image qui illustrait. Des fois, c'est sûr, c'est des images que, bon, il y a l'oiseau moqueur, il y a quelque chose que je voudrais te parler, que j'avais remarqué. Le supramental est un phénomène comme le phénomène christique et bouddhique. C'est une suite de compréhension de la bilocation de conscience entre les lois de la vie et celles des lois planétaires. Ouais, mais vous savez, les bouddhistes, il y a un petit peu une suite de l'hindouisme. Donc, le plan atmique, puis ces choses-là. Puis aussi, il y a un désir de dissolution dans le cosmique, ce qu'on appelle le nirvana. C'est la façon de se libérer pour eux de la roue des réincarnations. Donc, bon, moi, je suis un petit peu... Bon, je vois ça comme de la spiritualité, même s'ils vont dire que c'est de la philosophie, souvent. Donc, oui, Marc, lui, il a fait deux vidéos, mais je dois voir. Ah oui. Ah oui, Armand. Ben, il y a une vidéo que, bon, comme il dit que l'être humain est fait pour être végétarien. Or, c'est plus complexe que ça. Il y a certaines personnes, dépendamment de leur tempérament, là, plus je parle les tempéraments, au sens où on l'entendait dans certains types de médecine qu'on ne voit plus. Il y a certaines personnes, c'est mieux qu'ils mangent de la viande, là. Puis c'est pas une opinion purement tranchée, mais ça dépend du type sanguin, ça dépend de la condition aussi. Donc, mais il y a du monde qui ne devrait pas manger de viande. Donc, fallait bien commencer par quelque chose, moi. Groupe sanguin, alimentation, ben oui. Vous savez, là, si on avait une médecine honnête, là, ça prendrait juste un échantillon de sang, un échantillon d'urine, un examen général. Puis par déduction, on pourrait justement prescrire une alimentation très, très précise. Puis les gens redeviendraient, bon, ils recouvreraient la santé beaucoup plus facilement. Mais nous avons une médecine commanditée par des corporations. Puis le but, c'est toujours de prescrire des molécules. Or, dans les nouvelles molécules qui existent depuis les années 50, puis on a peut-être une trentaine à mes yeux qui peuvent servir, puis le reste, c'est tout du bricolage. C'est tout, bon. Mais j'ai pas le droit de me prononcer là-dessus. Vous savez, de nos jours, si on n'est pas géologue, on n'a pas le droit de dire qu'en bas, là, c'est la Terre. Puis si on n'est pas astronome, on n'a pas le droit de dire qu'en haut, là, c'est le ciel. Puis c'est pareil pour la médecine. Un patient guéri est un patient perdu. Et voilà. Oui, c'est inquiétant. Ah oui, je voulais demander à l'oiseau moqueur. Tu avais fait une vidéo où on voit Louis XIV qui fait le... Ben, qui, c'est un film là, où il, y a une, il danse le ballet de la nuit, l'ouverture du ballet de la nuit. Puis Louis XIV, tu lui as fait une explosion solaire qui lui sort, dans mon souvenir, là, d'un genou. Puis je me demandais si c'était fortuit, parce que, bon, il y a une symbolique liée à ça. Donc, bonjour Bertel et tout le monde, maman présente. Donc, j'ai été intrigué un petit peu, parce que, bon, le genou droit a une certaine symbolique là, assez ancienne, puis le genou gauche aussi. C'est rattaché à, vous savez, là, c'est sûr que Adam Kadmon qui est... l'homme, le modèle de l'homme, dans le sens, les lois qui régissent la façon dont le corps humain est fait. Ou si vous avez déjà vu, par exemple, parce que, bon, il y a, c'est un peu hasard. Ah, OK. Je me demandais, mais ça peut être intuitivement. L'instinctographie, j'ai une petite fille de 4 ans qui sent tout. Ces aliments avant de les manger ou pas, ben ça, ben ça nous vient un petit peu de notre côté, nos instincts, oui. Ben oui, c'est comme j'ai un chat ici, puis je peux rien lui servir sans qu'il le sente, là, puis ce qui est tout à fait normal. De toute façon, ça fait partie du plaisir de se nourrir, là, l'odeur. Puis de toute façon, le goût puis le parfum, c'est pas tout à fait pareil. Puis, par exemple, il y a 9 traditions là, de cuisine en Chine, puis ils font une grosse différence entre le parfum et le goût. Puis, c'est très délicat, hein, le palais. Puis oui, on mange aussi par l'odeur. Ma fille aussi fait ça. Je lui dis, je vais pas t'empoisonner. Ben non, c'est pas, même au contraire, ça fait partie du plaisir de manger. Il faut humer ce qu'on mange un petit peu. Donc, mes vidéos souvent se font tout seul. Je peux comme pas expliquer. Ben, je me dis, c'est peut-être instinctivement qu'il a fait ça. Mais c'est son genou gauche qui t'a fait sortir ça. En tout cas, bonjour, je mange avec ce que j'aime. Je mange ce que j'aime, mais il y a de la programmation partout. Oui, moi, j'ai de plus en plus de difficultés, là. Ben, j'ai eu une certaine perte d'appétit, puis j'ai de plus en plus de difficultés à trouver des choses que j'aime. Donc, très enrichissante votre vidéo sur le libre arbitre que j'avais de nouveau écouté. Ah, puis je me souviens, ben franchement, je me souviens pas de tout. Les genoux sont le siège de quelque chose de particulier. Je me souviens d'avoir lu quelque chose à ce sujet, mais ne m'en rappelle plus, comme bien des choses. Oui, ben là, ça dépend de qu'on parle. Parce que ceux qui savent, là, des fois, bon, admettons que, comme il y a Daniel Ménard qui avait été confronté à ça, là, il y a des gens qui sont habités par toutes sortes de choses. Puis, quand c'est confronté, des fois, ça va migrer vers le bas. Mais Freud avait remarqué ça aussi, puis appelait ça le transfert vers le bas. C'est-à-dire que quand il abordait certaines choses qui choquaient certains de ses patients au niveau conscient, il se mettait à avoir les jambes qui bougeaient. Il se mettait à frétiller, puis il disait, ah, il y a un transfert vers le bas. Mais ça fait très longtemps que c'est connu, ça. Mais même, par exemple, il y a encore certains peuples qui font de l'exorcisme, là. Puis là, tout d'un coup, on voit apparaître des protubérances au niveau des jambes. Il y a quelque chose qui se transfère vers les jambes. Puis, bon, ça a une façon un petit peu de. Ben, prenez quelqu'un comme qui a beaucoup de tics nerveux, comme Chrystia Freeland. D'une certaine façon, quelqu'un qui regarde ça très occultement, mais qui est encore dans l'entitisation, va dire souvent, ben, c'est parce que les entités ont plus de place. Il y en a tellement que, bon, ça gigote de partout. Donc, oui, j'ai mal au genou, surtout le gauche. Ah oui. Ben, souvent, la blessure à un genou ou la blessure à une blessure à l'aine va être un symbole d'initiation, c'est-à-dire il va y avoir une somatisation de l'expérimental. Vous vous souvenez, là, la bataille entre Jacob et l'ange, il dit qu'il a été blessé à l'aine en 8 ans, puis qu'il a boité le reste de sa vie. Puis c'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres cultures, comme Épictète, là, qui s'était fait casser une jambe par son maître. Puis finalement, c'est ça qui l'a libéré parce que les gens étaient tellement en colère de voir ça qu'ils lui ont donné l'argent pour qu'il rachète sa liberté. Puis bon. Le genou droit, ça veut dire quoi? Ben, le genou droit, c'est un symbole de l'initié, mais au sens de la connaissance, souvent. Mais c'est un symbole d'initiation, pareil, souvent. Si vous allez là, dans certains coins d'Europe, vous allez voir des fresques parfois dans des églises qui peuvent paraître étranges, c'est-à-dire vous allez voir des personnages qui se découvrent un genou. C'est des choses comme ça qui sont encryptées dans les peintures, qui sont encryptées dans des fresques. Puis c'est parce qu'au niveau, ce qu'on a appelé, ce que les Juifs appellent là-dedans Kadmon, ben, d'une certaine façon, l'être humain est un petit peu à ce niveau-là de l'homme universel aussi. Puis c'est pas juste de la tradition, parce que vous savez, vous avez quelque chose qui est l'équivalent de là-dedans Kadmon chez les Chinois, c'est Panku. Panku qui est vu comme le modèle de l'homme, puisqu'il a engendré le monde matériel, l'être humain matériel. Donc, oui, à l'aine aussi. Je me suis blessé à l'aine l'été passé. J'en ai pas trop tenu compte, là, mais il a fallu que j'attende. C'est impossiblement que j'ai tiré des petits muscles. Il a fallu. Mais oui, ben surtout des fois en prenant de l'âge, c'est des choses. Mais dans mon cas, j'ai tout le temps eu une bonne souplesse, puis là, en vieillissant, ben là, à un moment donné, je faisais un exercice, puis je me suis rendu compte que j'avais une douleur, puis j'ai continué les jours suivants, puis finalement, ça s'amplifiait. Donc, j'ai mal à la hanche droite depuis presque un an, et ça descend dans le genou. Ah oui, donc peut-être là, ça serait voir si c'est pas un nerf. Parce que, bon. Merci pour la réponse. Ah ben de rien. Le festival des éclopés. Ben oui, mais bon. Pas nécessairement, là. Puis c'est normal, ça fait partie. Moi, j'ai mal sous le pied droit depuis longtemps. Je boite quand j'ai pas mes souliers. Ah oui? Ben là, il faudrait voir peut-être un body out, là. Mais ça peut être un nerf encore. Mais vous savez, le pied. un pied humain, on dirait qu'on a encore des vestiges de, bon, d'autres phases là, que l'être humain a connues, puis on dirait que ça fait pas longtemps qu'on a les pieds sur terre, si je puis dire. Puis des fois, puis c'est des petits os, hein, c'est très complexe, le pied, comment c'est fait. Même, c'est, on dirait que le design est moyen, là. Mais oh, en plus, les pieds, c'est ce qu'il y a de pire. Ben, moi, en tout cas, à mes yeux, là, des fois, j'ai quelqu'un ici qui écoute une émission, là, c'est SOS Pieds en détresse, là, puis quand ça joue à la télévision, je vais me cacher, je ne suis pas capable de regarder ça. Moi, j'ai fait de l'arthrose depuis 2 ans et j'ai juste 38 ans. Ah oui? Mon père a fait de l'arthrose aussi jeune, mais lui, c'est parce qu'il a porté une arme très lourde à sa hanche pendant des années. Mais là, il faudrait peut-être voir là, au niveau de vos os, là, puis peut-être votre alimentation, peut-être que vous assimilez mal certaines choses. Si vous êtes, ben, vous êtes une dame, donc il y aurait peut-être un. J'espère que c'est pas de l'ostéoporose, là. Ça peut arriver. Oui, hein, j'ai pensé à un nerf, mais plusieurs séances de kiné ostéopathique n'ont rien fait. Je ne sais pas si vous avez eu des pompes. Les radiographies, il ne faut pas en avoir à répétition, mais ça pourrait être osseux. Pareil, quand même. Des fois, c'est un petit morceau qui s'est détaché et qui est entre. J'avais une conjointe qui avait eu une grosse douleur au genou suite à un accident. Il y a une voiture, elle a reçu le pare-choc sur son genou. Puis ça, finalement, dans ce temps-là, je m'intéressais à certaines choses. Donc, avec mes mains, j'ai juste passé ma main au-dessus du genou. Puis à un moment donné, je sentais un petit point chaud. Puis j'avais le sentiment intérieurement que c'était un petit morceau d'os qui était sous le cartilage, qui s'était détaché. Puis finalement, elle a fait une radiographie, puis c'était ça. Puis, on fait une petite opération, puis ils l'ont enlevé. Donc, l'acupuncture m'a beaucoup aidé. Je travaille physiquement. Faut pas biaiser. Moi, ben, c'est sûr que ça peut avoir. Mais l'acupuncture, c'est drôle, hein. J'ai beaucoup de livres sur ça, puis je me suis jamais trop penché là-dessus. Marcher dans l'argile, mais fait beaucoup, te fait beaucoup quoi? Mais oui, ça peut replacer des choses, là, possiblement. 38 ans, déjà arthrose. Ouais, ben, il y en a qui en font jeunes. J'ai connu une dame, là, qui a fait de l'arthrite rhumatoïde dès l'enfance. Puis c'était quelque chose, là. Elle avait les mains comme ça, puis. Puis je me rappelle, elle se mettait ses verres de contact avec ses pouces. C'était. Travailler dur, ça fait des blessures. Ben oui, c'est certain. Mais on était mal éduqués à la façon de bouger, j'ai l'impression. Aussi, juste la façon dont on s'assoit en Occident. J'ai l'impression que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, là. Beaucoup de bien. Ah oui. Earth grounding, c'est pas juste une affaire de hippie, aller marcher les pieds. En nature, sur la pelouse, ça fait un bien immense. Ben oui, c'est certain. C'est certain. Quand j'avais ma maison, à un moment donné, j'ai enlevé une partie du plancher dans la cave parce que je voulais un contact avec le sol. Puis, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des écoulements d'eau sous le plancher. C'est que ça a été, bon, avec les feuilles de chou, vous pouvez vous soigner, il faut s'intéresser. Moi, je pense qu'on peut mêler de la cendre un petit peu au chou. Puis, huile essentielle et acupuncture. Moi, ben, l'huile essentielle, c'est. Il y en a beaucoup en vente que je considère qu'on dirait que ça a été dénaturé un petit peu. Parce que il y a l'huile de titri là, que j'aime bien. Puis finalement, à un moment donné, je suis tombé sur une marque, puis c'était pas pareil. J'ai recommencé à m'entraîner, j'ai moins mal, mais c'est plate quand même. Ouais. Personnellement, moi, j'ai arrêté, ça fait un bout de temps, là, parce que, bon, depuis des événements, là, j'ai moins d'énergie un petit peu, mais ça va revenir. C'est pour ça, ils nous ont imposé la semelle, les chaussures, il faut marcher les pieds nus si vous avez la possibilité. Ouais. Ah oui, le sel d'Epsom. Ben oui, vous savez, là, ce qui a fait ses preuves par le passé. Et je vois pas pourquoi qu'on rejette certaines choses. Oui, les huiles essentielles, il y a des marques plus efficaces. Et ça, c'est pas le même niveau de pureté. C'est pas la même qualité. Dans mon parc, j'ai commencé une collection de mousse. Ah oui, ben souvent, ouais, je faisais aussi pousser de la mousse. C'est long, hein? Mais bon, il n'y a pas grand-chose d'aussi confortable que ça. Mais c'est fascinant, la mousse et le lichen, oui. Puis le lichen, c'est spécial, c'est une algue qui... C'est une algue qui collabore avec un champignon. Puis il y en a tellement de sortes. Ici, bon, c'est une végétation boréale, donc il n'y a pas beaucoup de fleurs très impressionnantes, mais on a des lichens de toutes les sortes. Puis les Algonquins font des tisanes avec ça, puis des fois c'est surprenant le goût que ça a. C'est vraiment. Mais ça dépend, là. Il y en a qui sont très toxiques, je sais pas. Il y a aussi dans la forêt boréale, même quand il n'y a pas de lune, il n'y a rien, on peut se promener la nuit à certains endroits parce que le lichen émet de la lumière. Puis ça m'avait beaucoup impressionné la première fois que j'avais vu ça. Il y a quelque chose de bioluminescent dans certains lichens. Puis on voit là comme s'il y avait un clair de lune. Puis c'est assez spécial. Il y a aussi, je pense que c'est un champignon, ça, par exemple. Il y a certains champignons qui ressemblent à des lichens. C'est comme une mousse. Puis c'est tellement bioluminescent qu'on peut mettre ça dans un pot, puis ça éclaire. Ça éclaire. Mais c'est assez difficile à trouver, là. C'est des choses qu'il y a dans certains coins de l'Asie. Puis les feuilles des choux, il faut faire comme avec la viande, adoucir et porter, ou toute la nuit ou la journée. Ah oui, vous parlez comme des cataplasmes. Ça s'est perdu beaucoup, ces choses-là. Anciennement, là, les hôpitaux, il y avait un apothicaire, puis il y avait une pièce, puis c'était juste des pots à pharmacie. Puis il y avait de tout, puis ils préparaient les cataplasmes, puis les pansements d'avance. C'est très dommage que ça se soit perdu beaucoup. Puis chaque ville devrait avoir un apothicaire. Puis non, à la place, on a des Madame Granola. Mais bon, un apothicaire, c'est pas pareil, là. On n'est pas dans c'est pas la même culture tout à fait. Nous avons quasiment tous les métabolismes acidifiés par nos modes de vie. Oui, moi le premier. Ça déclenche des phénomènes inflammatoires, donc des douleurs. Par contre, bon, j'ai pas trop de. Je sais pas si c'est à moi que vous vous adressez, là, Cheshka. Même chose pour des algues luminescentes dans les océans. C'est assez impressionnant, oui. Oui, il ne faut pas oublier que ça fait partie de la biologie puis de la vie qu'il y a quelque chose de lié à de la lumière. Puis, c'est comme j'avais vu quelqu'un qui parlait du cerveau comme d'une masse sombre. Eh bien, non. Si on pouvait voir à travers les crânes dans une pièce sombre, on se rendrait compte qu'il y a un feu d'artifice là-dedans. Ça, j'en suis persuadé parce que ça fait partie de certaines choses. Puis, il reste que c'est la lumière et puis la vie. Ben, c'est. J'ai déjà vu le lichen illuminer l'ortie pour les cataplasmes, pour boire, manger. C'est très bon. Il faudrait que j'en achète de l'ortie. Parce que quelqu'un que je connais, là, qui fait de l'anémie beaucoup, puis il faudrait que je l'essaie, mais j'ai affaire à quelqu'un de très difficile. Il faut des goûts. Donc, peut-être le mettre dans de la soupe. C'est comme cette personne-là aime pas le fenouil, qui est pourtant une plante extra rare, qui est extraordinaire. Donc, je la mets dans de la soupe. Je pourrais faire pareil avec l'ortie. Même si vous parlez pas ma langue, vous avez Branislav Mitadjovic, un médecin, il a mis. Sous-titre, il explique super des choses sur la santé des gens et des pays différents. Regarde-moi. Oui, puis sur YouTube, il y en a un qui est pas pire, là, un Chinois, Monsieur Yushun. Mais lui, bon, J'avais remarqué certaines petites choses, là. Bon, en tout cas. Mais il y a même des plantes que les herboristes n'ont plus le droit de vendre. Ouais. Ben oui, c'est des. Bon. On peut se douter pourquoi. Ben oui, regardez quand elles ont interdit bon, certaines choses. Et puis, d'ailleurs, en France, il y a des choses qui ont été interdites, là, bien avant qu'ils déclenchent leur. Bon. En tout cas, ils pourraient des fois faire un petit peu plus attention, ça paraîtrait moins, mais c'est aussi bien que ces gens-là aient leurs gros sabots comme d'habitude, comme ça on peut encore voir plus clairement. Oui, je suis de la côte nord. Tu parlais de forêt boréale. Ah oui, ah, moi je suis pas sur la côte nord, je suis vraiment là. Ben, bon, dis-tu, je suis où? Je peux pas. Je me suis commandé le livre à coup savoir des Mando Pequacamiu Miuyutach et j'ai hâte de le recevoir. C'est des références traitements ancestraux amérindiens avec herbes et plantes du Québec. Ah, intéressant. Ici, les Amérindiens, ils ont perdu beaucoup. Les connaissances se sont perdues beaucoup. À un moment donné, il y a une dame algonquine d'un certain âge, elle était dans un coin, puis des gens que je connais l'ont vue, puis elle mangeait des têtes de lièvre. D'après moi, elle a des connaissances. Juste laisser l'ortie dans l'eau toute la nuit et boire l'eau le lendemain, mettre du citron, de l'amande pour le goût. Mais l'ortie goûte bon, un petit goût de banane, moi. Moi, c'est comme les macérations. Il y a certaines choses qu'il faut macérer un peu. Mais je vous avoue, ce que je connais de ces choses-là, c'est surtout, je suis très ignorant de tout ce qui est rapport à mon propre territoire. Donc, quand je fais venir des choses comme ça, souvent, bon, je ne sais pas toujours la qualité parce que c'est des choses importées. Mais j'ai trouvé un apothicaire de Toronto. Qui est très connaissant, là. Mais ça a l'air de qualité, là. Mais bon, il faudrait que j'ai une certaine paresse chez moi. C'est peut-être pour ça, dans le fond, que j'ai mis de côté la connaissance. Je me fie plus à d'autres choses parce que peut-être une paresse intellectuelle. J'ai lu qu'ils sont capables d'induire de la programmation dans l'eau que l'on consomme. Ah, vous parlez. Je sais pas si ça va jusque-là. Je sais qu'ici, là, ils mettent du chlore dans l'eau. C'est vraiment pas nécessaire. Puis en plus, on va certainement se rendre compte après que les statistiques de cancer de la vessie ont augmenté dans ma municipalité. Le maire de ma ville, j'ai vraiment pas de félicitations à lui faire. Lui et son directeur général, puis toute sa clique, là, on dirait qu'il pensait qu'à nuire à tout le monde. Toute ma famille du côté maternel habite la côte nord aussi, Baie-Comeau. Ah oui, un petit peu plus au nord. Yes. Ortie est bien pour la santé et pour les plantes aussi. Ah oui, pour enrichir de l'ortie, j'en ai des kilomètres gratuits. J'ai fait du purin d'ortie et c'est surprenant. 3 jours et ça sent moins. Ben oui, il y a certaines plantes, là, c'est assez spécial. Il y a certains types d'arbres qu'on n'a pas le droit de planter dans certains coins de l'Asie parce que ça sent carrément les déjections. Vous vous promenez sur la rue, là, puis le vent prend là-dedans, puis il y a une odeur de. Mais souvent, c'est parce que le pollinisateur de ces certaines plantes, c'est la mouche. Donc, bon, j'imagine que pour une mouche à marde, ça sent très bon. On a assez de programmation presque innée. On n'en a pas besoin dans l'eau, moi, mais vous pouvez, si jamais vous considérez que c'est vraiment, bon, mais ben pourquoi pas déprogrammer l'eau? Dans le sens, vous savez, il y a Okorovitz qui avait fait des expériences sur ça parce qu'il avait étudié certains phénomènes par rapport aux bénédicités. Puis il était persuadé que les gens épuraient leur nourriture de certaines choses en bénissant leur repas. Ce qui est peut-être pas fou, là. Donc ça peut être pareil avec l'eau. Ça peut être. Bon, Mimi trouve ça comique. Ortie, si vous utilisez à la place d'engrais, ça sent vraiment mauvais. Ouais, ben franchement, là, ces temps-ci, je pense pas trop à ça, mais oui, ça à toi. Mais habituellement, quand ça sent comme ça, c'est parce que c'est bon pour engraisser le terrain. Les derniers travaux de Luc Montagnier portaient sur l'eau. Ah oui, je me rappelle quand il est décédé, là, je me disais, bon, au moins il ne se fera plus attaquer au niveau de sa crédibilité, je veux dire, c'était là un scientifique crédible, puis c'est pour ça qu'il était attaqué. Puis je pense que c'est le même cas avec M. Raoult. Même si j'ai entendu des choses, des gens, oh, il y a des affaires, des peintures, pas des peurantes dans son bureau, blablabla, des grosses bagues, il y a un look de biker, puis ben oui, puis ça n'a rien à voir dans le fond, là. Lien sur la programmation de l'eau, Masaru Emoto. Oui, j'avais vu. Celui qui contrôle l'eau contrôle tout. Moi, ouais, ça fait penser à les romans, là, les Dunes, là. Celui qui contrôle les pistes contrôle tout. Les mémoires de l'eau, très intéressant. Oui. Ben, il y a des. J'avais vu dans le temps, il y avait des magnétiseurs, ils vendaient de l'eau magnétisée. Ben là, en tout cas, c'est aussi bien de. Imaginez quelqu'un qui serait à une très très haute fréquence vibratoire, il a juste à boire l'eau pour qu'elle devienne magnétisée. Je veux dire, tout ce qu'il va toucher va être épuré. Donc peut-être un jour, on va pouvoir prendre de véritables raccourcis. On va développer vraiment quelque chose qui va aller de soi, puis qu'on n'aura même pas à le théoriser. Donc, il y a la chaîne terrienne, il utilise urine et l'eau à la place d'engrais, sans le reste de l'eau. Ben, si ça continue, c'est ça que les cultivateurs vont être obligés de faire à cause des affaires de Davos, là, puis. Vous savez, en Corée du Nord, ils prennent des déjections humaines pour engraisser les champs. Là, je suis pas certain, là, ce que c'est. L'eau est une bande magnétique qui prend l'information environnante, surtout si celle-ci est pure, moi. Oh oui. Mais c'est que c'est un support extraordinaire, l'eau. Donc, les secrets de la mémoire de l'eau, selon Masaru Emoto. Le vieux film de Tank Girl, connais-tu? Non. Non. Je me souviens d'avoir vu dans le temps au club vidéo la cassette, là, puis ça n'avait pas l'air d'être mon genre de film, ben, ben. Là. Oui, professeur Montagnier, une grande menace pour ces. Oui. Ben oui, c'est là qu'on voit. Même des fois, je me dis, je ne dois pas être hier, moi, là, heureusement que j'ai aucune crédibilité parce que j'aurais pu changer, ça fait longtemps. En revenant au sommeil, peut-on revendiquer le droit au sommeil? Pas le fun de se faire tenir éveillé dans un état de fébrilité inexplicable. Ouais, ben là, c'est peut-être au niveau nerveux, parce que quand je veux dormir, je dors. Je veux dire, avec là, j'ai connu des périodes d'insomnie, puis là, j'ordonne au corps de dormir, puis je finis que. Mais aussi le fait peut-être que vous pensez beaucoup. C'est peut-être le processus mental. Puis peut-être même ça peut être inconsciemment sans s'en rendre compte. Des fois, on pense. Si vous avez une certaine fébrilité nerveuse, ouais, je comprends là, que c'est vraiment déplaisant. Mais bon, certains disent que l'eau est un vecteur astral. Ça peut. C'est un support extraordinaire, donc ça peut supporter toutes sortes de choses. Beaucoup de choses. Prenant anciennement tout ce qui était lié à, par exemple, l'eau bénite. C'est pas juste, il y a possiblement pas juste une affaire de croyance là-dedans. Je me méfie beaucoup du plastique. L'eau est meilleure dans les contenants en verre et autrefois en Inde, dans les contenants en argent. Selon eux, c'est important. Oui, possiblement. Mais si jamais, là, tu peux trouver les grosses cruches, là. Les Québécois, dans le temps, ils mettaient l'eau dans ça. C'est comme, je pense que c'est pas de la terre cuite, c'est, je ne sais plus quoi, là, c'était émaillé. Puis ça garde l'eau fraîche, puis on dirait que ça la. Comme par exemple, là, les gens qui sont dans des municipalités, qu'il y a du chlore dans l'eau, ça serait peut-être bien de faire reposer l'eau dans des contenants comme ça. Puis ça la garde fraîche. C'est très surprenant. Je pense dans la vieille série, là, Les belles histoires des pays d'en haut, Séraphin, il y a ça dans sa cuisine. C'est une espèce de grosse cruche en terre cuite, en grès, ou quelque chose du genre, là, de l'espèce de céramique émaillée. Puis des fois, moi, j'en ai vu dans des marchés aux puces, des usagers, des vieilles, là, des vieilles affaires, des fois, ça date de 125 ans, puis qui sont pas ébréchées rien, qui sont encore parfaites. Puis bon, c'est sûr, c'est pas bien beau, mais il reste que. Je connais quelqu'un qui mettait son eau dans des choses comme ça, puis je pense que oui, au moins ça la garde fraîche, ça a cette faculté-là. Mais des fois, se méfie de certaines traditions par rapport à des métaux puis des contenants. Quoique l'argent, c'est pas un métal. C'est un métal, oui, qui est sain. Mais si on regarde, là, comme les tangs, pendant des cérémonies, ils buvaient du vin dans des contenants en bronze, puis ils s'oxydaient, où il y avait du cuivre, puis ils s'oxydaient avec l'oxyde de cuivre, ils s'empoisonnaient au fond. Possiblement que Qin Shi Huang est mort empoisonné parce que ses alchimistes essayaient de le rendre immortel en l'empoisonnant. C'est comme, prenez là, l'arsenic, on appelait ça anciennement de l'antimoine parce qu'à un moment donné, Paracel s'est arrivé dans une abbaye que les moines avaient toutes les maladies, là, possiblement d'origine vénérienne, qui s'étaient transmises tous entre eux. Puis, lui, c'est un des premiers qui a donné des suppléments de certains métaux, puis il avait essayé l'arsenic, puis les moines mouraient, donc on a appelé ça de l'antimoine. Bon, en tout cas, c'est pas drôle dans le fond, mais ça fait tellement longtemps, on peut bien rire un peu. Ça est en relation avec la nouvelle lune. Oui, ça serait peut-être intéressant de regarder le calendrier. Puis j'ai été, bonjour, cellule or, j'ai été un bout de temps que je regardais ça tous les jours. Puis je regardais les phases de la Lune, puis après, je pouvais tirer certaines conclusions. Donc, on est sujet encore amplement aux influences astrales sans lire l'horoscope du journal. Ouais, de toute façon, c'est pas très fiable. Mais c'est toujours un petit peu méfié de ces choses-là, là, surtout là, les affaires d'un journal, là, sur n'importe quoi, souvent, là. Mais si vous prenez, par exemple, Daniel Ménard était astrologue, il y a certaines choses quand même là-dedans. Mais il y a des choses qui se sont perdues. Comme par exemple, on a réduit les signes astrologiques à 12, mais c'est bon. Aussi, les heures puis les cycles, c'est pas calculé pareil, dépendamment de si certaines choses se sont perdues ou pas. Donc, ouais, il y a une 13e maison, puis on n'en parle pas. Salut, si tes aliments sont sains, que tu ne prends pas de médicaments chimiques après avoir été composté, les déjections humaines et animales sont bonnes pour nourrir la terre. Oui, mais qu'on le veuille ou pas, on se fait tous un petit peu empoisonner sans le vouloir, ne serait-ce que par des choses qu'il y a dans l'air. Entre autres, mais c'est pas si dramatique, c'est pas si grave. J'avais un chat qui allait il y a longtemps, là, qui allait dans le jardin d'une voisine, puis elle me l'avait ramené dans une cage. J'étais pas de bonne humeur, puis elle me disait, ouais, mais il vient chier dans mon jardin. J'ai dit, viens engraisser ton jardin. Tu sais, je veux pas que c'était choqué quand même qu'à défaire ça, puis mettre ça dans ton tas de compost, je sais pas. En plus, elle l'avait pogné avec une canne de thon. J'étais pas de bonne humeur. Ça fait 20 ans qu'ils nous mettent des nanoparticules dans la nourriture, ouais. Ben oui, c'est pour ça l'affaire à un moment donné, on vit tellement dans un environnement toxique qu'il va falloir développer une certaine résistance. C'est pour ça, c'est comme dans le temps, là, il y a des empereurs romains, tous les jours, ils avaient un petit peu de poison. Puis quand il y avait un attentat sur leur vie, ils survivaient. Donc, la pureté à tout prix, étant donné le contexte, est-ce que c'est réellement stratégique? Puis si on a une haute fréquence, je pense que ça peut régler certaines choses. Mais c'est comme ici, j'ai des compteurs intelligents, j'ai tous les compteurs intelligents du bâtiment qui sont là derrière. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des pharmacies qui sont en métal avec des portes de verre, puis j'ai mis mon tableau qui est une feuille de métal là, puis je suis pas mal sûr que ça bloque une partie de. En tout cas. Ça fait 20 ans, oui. J'ai fini par déduire que l'astrologie était comme une lecture des programmations, oui, jusqu'à un certain point. Ben, il y a des influences, qu'on le veuille ou pas, là. Donc, le chat va bien, oui, ça guérit très, très rapidement. C'est en train complètement de se refermer. Il y avait carrément un trou dans le corps, c'était de la grosseur d'un 2 $. Je suis rendu la grosseur d'un tissu. Là, je ne saurais pas comment traduire ça en monnaie européenne, là, en euros. Mais c'est rendu tout petit. De toute façon, il est tellement tanné de. Important de se faire un peu empoisonner petit à petit, sinon comment on survit à ce qui vient. Et voilà, c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que, jusqu'à un certain point, le culte de la pureté peut affaiblir. Dépendamment du contexte, nous vivons dans un environnement toxique de plus en plus. Puis de toutes les façons, là, quand je dis nous vivons dans un environnement toxique, c'est aussi au niveau même des pensées. Donc, il faut développer une certaine résistance pour ça. C'est pour ça, c'est comme certains gens très, très pieux qui veulent éviter à tout prix des mauvaises pensées, ben là, ils se mettent en danger parce qu'ils donnent de l'importance à ça. Puis ils sont faciles après à comment je pourrais dire ça, à ébranler. Donc, des fois, c'est comme quelqu'un qui est tout le temps, qui passerait sa vie dans un ashram à méditer, puis vous le mettez en plein centre-ville d'une grosse ville, il va capoter, là. Ça peut être dangereux. Il y a un horoscope également qui suit les équinoxes, qui est apparemment beaucoup plus précis. Je ne me souviens plus du nom. Ouais, on peut faire des synthèses aussi. Mais pour être franc, je n'ai jamais eu un intérêt au niveau tant que ça de l'astrologie. Mais j'ai eu un intérêt par rapport à certaines influences. Je sais pas, là, prenez les anciennes représentations de l'être humain, souvent étaient placées au centre d'une espèce d'ovale, puis il y avait les influences là, autour. Puis bon, on va rattacher les poissons aux pieds, puis ainsi de suite. Donc, la 13e maison, appelée Serpenteur. Oui, mais on peut donner d'autres noms aussi. L'affaire, c'est que de comprendre que le zodiaque avec 12 signes est parcellaire. Il manque des choses. Parce que à la Renaissance, ils ont décidé de le standardiser. Puis bon, ben, vous savez, dans le temps, la médecine était liée à ça. Donc, on tenait en compte la date, le jour, l'heure que quelqu'un était né, dépendamment des maux dont il souffrait, puis on faisait des remèdes, dépendamment s'il fallait que ce soit près à des heures précises, des choses comme ça. Puis finalement, on a fini par se rendre compte de l'existence des influences biochimiques, ce qui était nécessaire, mais là, on est allé un petit peu loin, là. Au sens où maintenant on fabrique des molécules synthétiques qui sont des bricolages. Puis bon, là c'est devenu, il y a une question de profit là-dedans, il y a une question de rentabilité, puis bon, il y a toutes sortes de choses. Alors que dans le temps, ben, la médecine était pratiquée complètement différemment, mais c'est une bonne chose que certaines choses aient changé, là. Parce que si vous regardez certains médecins, là, de la Renaissance jusqu'au 17e siècle, c'est à se demander si c'est pas, s'ils tuaient pas plus de gens qu'ils en sauvaient. Parce que, bon, les saignées, des fois, ça peut être bon, une saignée de temps en temps, mais à outrance, ça n'a pas de sens. Les lavements, ça peut être bon, mais c'est pour enlever complètement toute la flore intestinale, c'est plus bon, là. Donc, ils affaiblissaient leurs patients. Souvent. Et bon, il y a Paracelse, qui est la théorie des humeurs, qui est assez vieille, au moins 11e, 12e siècle. Puis après, bon, ben, vous avez le traité du Tartre, là, Paracelse. Mais là, il faut lire entre les lignes. Puis aussi, épurer un peu ce qui était des erreurs. Vous avez l'autre, là, l'allemande, là, Hildegard de Bingen, puis bon, la théorie des humeurs, la théorie de la bile noire, ces choses-là. C'est pas fou si on le transpose de façon correcte à notre époque. Parce que là, des fois, bon, il y avait Les anciens, ils s'intéressent à l'astrologie. Ben oui. Mais pourtant, c'est interdit, vous savez, de consulter des astrologues au sens de quelqu'un qui fait la bonne aventure pour savoir ce qui va vous arriver. Mais pour le reste, c'était correct. C'était pas interdit. C'est pour ça que les médecins s'en servaient. C'est pour ça que. Oui, on fabrique des yaourts aux fraises avec zéro fraise dedans. Et voilà. Ben oui. Puis même quand ils mettent des fraises, c'est des fraises. Bâtarde, le modifier. Quand on dit donner de l'amour aux plantes céréales, même chose en cuisine. J'ai vu quelqu'un planter des végétaux en colère et ils ont passé l'été à vouloir mourir. J'ai fait une prière avant le repas. Oui, c'est sûr que moi, j'ai rien contre la bénédicité, au contraire. Mais il paraît que le basilic, si tu le plantes en l'invectivant, il va pousser plus vite. C'est dans quoi j'ai vu ça? Je me rappelle plus, mais c'est une vieille croyance. Ça doit venir de la Renaissance aussi. Il paraît que le basilic, là, si tu lui donnes de la marde dans le plantain, si tu l'envoies chier, puis bon, il va pousser mieux. C'est peut-être les lois contraires, je ne sais pas. Aujourd'hui, tout est chimique. La nature est rare. Oui, même la nature à l'extérieur, parce qu'il y a plein de particules. Il relâche des particules dans l'air. Il y a certes, les gens qui veulent prendre le contrôle de l'agroalimentaire puis industrialiser l'agriculture, on dirait qu'ils détestent la nature. Puis on dirait qu'il y a ils veulent empoisonner ce qui est naturel. C'est là que le militaro-industriel puis le pharmaco-chimique sont alliés dans une espèce de guerre qui n'a aucun sens. C'est de l'autodestruction, c'est du suicide. En tout cas, on verra bien. La nature est plus forte que. La nature est meilleure pour se renouveler que l'humain, en tout cas, de ce que j'ai vu. Il soignait les plaies au crottin de cheval. Oui. Tant que ça ne tombe pas dans certaines horreurs qui ont existé, là. Il y avait un disciple de. Comment il s'appelait, lui? Les Français disent Vintram, je l'ai tout le temps appelé Vintras. Lui, il avait un disciple, je pense, comment il s'appelait donc? L'abbé Boulin. Il était complètement fou, lui. Il s'était marié, ben marié, pas vraiment un vrai mariage, avec une religieuse, défroquée comme lui, c'était un esprit de défroqué. Puis, eux, ils étaient persuadés qu'en appliquant leurs excréments sur des plaies des gens, ils allaient les guérir avec un succès pas toujours au rendez-vous. Puis, elle, cette femme-là, elle appliquait ses menstrues sur des plaies des gens. Bon, c'est discutable, mais c'est au sens, quand je regarde le reste, là, que je trouve que c'était des gens un petit peu dangereux. Puis, il y en a sûrement encore, ça. Il y en a sûrement encore, mais le crottin de cheval, il y a certaines choses peut-être qui pourraient être. Après tout, la pénicilline, ça vient un petit peu de. Bon. Les saignées se font toujours pour soigner les hémochromatoses. L'hémochromatose, ah, je ne savais pas. L'hématologie, là, c'est tellement complexe. Saul, s'il y a l'image des fraises sur le pot, moi des fois, c'est ça le fraise qu'il y a. Marie-Jeanne, même l'image des fraises est photoshopée. Ah oui, des fraises clonées. Ils les cueillent toutes vertes, puis ça mûrit dans les camions, ils envoient un gaz. Puis. C'est vraiment n'importe quoi. Quand j'étudiais là, par rapport à l'agroalimentaire, on nous expliquait que la cire qu'ils mettent sur les pommes, pour transporter ça par camion, ça prend un permis de transport de matières dangereuses, imaginez. Puis à un moment donné, on a décidé d'essayer de reconstituer des cheese whiz, qui est une sorte d'affaire qu'on a au Canada, qui est une espèce de, on dirait du mastic à calfeutré, là, c'est vraiment horrible, là, c'est jaune phosphorescent comme les Anglais aiment, là, les Britanniques aiment ça, le fromage jaune orangé phosphorescent. Puis on voulait le reconstituer pour voir si on était capable. Puis finalement, s'il y avait tellement de produits chimiques que ça prenait des permis pour faire venir ça, qu'on a laissé faire. Dans le fond, là, c'était presque. Vous changez là, un petit peu la recette, puis vous allez obtenir quasiment des explosifs. Là. Ça n'a aucun sens. Puis les gens mangent ça. En tout cas, j'ai vu que les Chinois enseignaient. Ensemence des nuages pour créer de la pluie, pour contrer la sécheresse sévissant en Chine. Ouais, puis ça apparaît dans nos médias. Pourquoi? Parce qu'on veut nous habituer tranquillement, hein? Que ça se fait aussi. Puis là, ils vont souligner que ça fait une quarantaine d'années que ça existe, mais plus que ça, là. En tout cas, le basilic est tellement capricieux que cela m'étonnerait qu'il aligne se faire crier après, qu'il aime se faire crier après. J'ai crié, aligne, aligne se faire crier après. Je sais pas, j'avais vu ça. Ça fait longtemps que j'ai vu ça, mais ça m'est revenu en mémoire parce que j'avais trouvé ça comique. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il serait moins capricieux si on l'invective, le basilic. J'ai vu une vidéo d'un ponte du supramental qui disait que sans rapport direct avec un initié du supramental, la connexion avec le double et le travail ne se fait pas. Qu'en penses-tu? Rien. Pourquoi? Parce que à mes yeux, c'est pas réel, ça. Ça se peut que ce soit quelqu'un que c'est une façon de vendre de peut-être, possiblement. Ça doit être quelqu'un qui donne la consultation puis qui charge pas mal de l'heure. Hein? C'est sûr que dans ce temps-là, on est porté à dire ça. Ça, c'est mon opinion, mais là, au moins, je n'avais pas nommé personne. C'est correct. Je dois partir. Bonne fin de journée. Bon, ben, bonne journée à vous, Valérie. Vous êtes peut-être déjà parti. J'avais pris du retard dans les. Qu'il aime. Ah, ok, pardon. Moi, ouais, ben, j'ai trouvé ça drôle. Les Amérocales aussi, tu peux les insulter, cracher dessus, ça va passer. Et le vinaigre doit avoir des pouvoirs comme Jésus, ah oui. Car il revient toujours après sa mort, moi, la mère du vinaigre. C'est étrange le lien que vous faites parce qu'à un moment donné, ils prennent une éponge avec du vinaigre pendant la crucifixion, là. Puis bon, avec une bonne argile, on peut soigner presque tout. Moi, il y en a un qui avait ramené ça, là, pas mal, là. Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle le philosophe endormi, le somnambule, là, Edgar qui est ici, il me semble qu'il parle de ça. C'est facile à voir quand la nuit tombe après une journée où ils nous ont sprayé. Ouais. Si vous allumez une lampe de poche dehors, on peut voir les particules s'agiter dans l'air. Ah oui, il faudrait que je regarde ça. Ben, des fois, ça peut être du pollen aussi, ou ouais. Mais ouais, possiblement. La pénicilline vient de l'urine, les déjections fécales. Ils peuvent absolument pas aider à soigner les plaies, moi. Vous savez ce que je mets au chat? C'est étrange, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui en avait parlé pas longtemps avant que ça arrive. C'est un certain type de miel. Puis c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est le vétérinaire qui m'a donné. Pourtant, si moi je me coupais, puis que j'allais à l'hôpital, il me mettrait une cochonnerie. Mais pour le chat, lui, le chat, il a droit à quelque chose de très bien, puis il guérit très rapidement. On prend plus soin des animaux que des humains. Dans le fond, puis ça, en parenthèse, parce que le chat, si personne n'avait payé pour, chez le vétérinaire, ça a coûté quand même assez cher. Puis c'est même pas mon chat, puis c'est un chat errant, puis il fallait le soigner. Donc, je suis allé avec, puis bon, le vétérinaire, il a été payé. Puis le vétérinaire, il me dit, êtes-vous en moyen un peu? Puis, moi, hein, mais là, tant que ça frôle pas, 10 000, ça va être correct. Là, il a dit, non, non, inquiète-vous pas. J'étais en voulant dire, tu sais, je suis prêt, tu sais, je veux qu'il guérisse bien, là, mais exagère pas. Bonjour Berthold, tu as parlé la dernière fois de certaines personnes qui dénigrent BDM et Daniel Kemp. Oui, j'en ai parlé un petit peu. C'est parce que c'était vraiment gratuit, puis c'était pas argumenté du tout. En plus, c'est du monde qui chiale contre la spiritualité. Puis la spiritualité naïve, c'est pas mal eux autres les premiers qui l'ont réellement au niveau d'une parole dénoncée. Donc, à un moment donné, là, il y a un problème. C'est contradictoire, là. Donc, aussi, là, de traiter Daniel Kemp de faussaire. Daniel Kemp, il faisait pas des faux documents, puis tu sais, Je peux tolérer, moi, qu'on les traite de charlatans. Ça reste une opinion personnelle. C'est correct, les gens ont le droit à leur opinion. Mais il faut au moins que ça soit logique. Il faut au moins que ça soit cohérent quand on. Bon. Puis ça m'avait mis en colère. Ça m'avait mis en colère parce que ça n'a pas de bon sens. On peut pas, tu sais, pas de faussaire, là. Je veux dire, Daniel Kemp, il fabriquait pas des artefacts archéologiques frauduleux, il faisait pas des faux papiers. Ça n'a pas rapport. Puis en plus, Daniel Kemp, c'était quelqu'un de très accompli. Donc, ça m'avait mis en colère. Ça m'avait mis en colère parce que c'était gratuit, c'était con, puis c'était niaiseux. Il faut être vraiment. En plus, là, fait sur un ton par quelqu'un qui aurait besoin d'un orthophoniste, c'est encore plus choquant. Parce qu'au niveau de quelqu'un d'accompli, au niveau du système nerveux, il y a certains défauts qui disparaissent habituellement. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, ben voyons donc, c'est donc ben petit clin, c'est donc ben des petits clins. Les fraises sont les plus chimiques car la fraise a comme plusieurs peaux superposées. Les agriculteurs doivent constamment les arroser chimiquement à cause de ça. Ah oui, il y a une chose, moi, que j'ai remarqué, je trouve plus de petites fraises des champs. J'aime beaucoup les petites fraises des champs, puis j'en trouve plus. Les plantes fraises font des fleurs, puis il n'y a pas de fruits. Puis des fois, je me demande si c'est pas par du spray, puis parce que c'est pas normal. Quand j'étais enfant, des petites fraises des champs, on pouvait en ramasser des paniers pleins. Puis là, j'en trouve pas. Je viens à bout là, de repérer où il y a des plantes fraises, de petites fraises des champs. C'est la même plante, elle fleurit, elle se fait butiner. Puis pourtant, après, quand je reviens, il n'y a pas de fruits. Puis j'ai pas. Ça fait des années que j'ai pas vu de fraises des champs. Ça, c'est pas normal. Puis il n'y a aucun biologiste, il n'y a personne qui en parle. Puis c'est pas normal, là. Les petites fraises des champs semblent être disparues de ma région, alors qu'il y en avait en abondance avant. Puis j'avoue que je comprends pas. C'est quoi le problème? C'est à se demander si c'est pas des petites particules d'aluminium ou. Mais il y a quelque chose là qui est pas normal. Vraiment, là. C'est comme, il y a quelqu'un dans mon coin qui a disparu un mois et demi en forêt, il s'est perdu, puis il a survécu en mangeant des petits fruits. Puis, il les lavait pas probablement parce qu'il ne pouvait pas. Ben, ça serait intéressant de faire analyser ses cheveux, là. Parce que il doit avoir toutes sortes de choses qui. À propos de la Chine et de la sécheresse qui y sévit, est-ce que ce sera une grande mire? Recommencera-t-on à devoir acheter des petits Chinois? Ça m'étonnerait si ça continue, c'est eux autres qui vont nous acheter. C'est la Sainte Enfance, là, qui appelait. L'affaire, c'est que les Chinois, ça fait des années qu'ils se préparent à une famine. Ils accumulaient des sacs de riz, puis. Il y a bien des choses qui se passent en ce moment. Je vais être franc avec vous quand je regarde ça à la télévision. Je dis, bon, les Américains, ils ont starté le machin. Ou plutôt ce qu'il y a derrière les Américains, puis qui est peint. Je dis, ils ont parti le machin. Comme là, on dirait qu'ils cherchent encore l'Iran. Là, il y a tout le temps des affaires dans le coin de l'Iran, là, puis c'est les pays autour qui écopent aussi, là, comme le Pakistan, puis bon. C'est pas pour rien qu'on nous parle rien de changement climatique, c'est parce qu'ils ont l'intention d'en créer, entre autres. Puis c'est typique d'une fin de cycle, il faut qu'il y ait des cataclysmes, mais à un moment donné, ça continue, ils vont déclencher des choses involontairement, là. En tout cas, va falloir que j'y aille bientôt, là, ça fait 1 heure. Terre diatomée pour les animaux, intéressez-vous, c'est pas trop cher. La terre vous voulez dire de la terre qui aurait à l'intérieur des diatomées, qui sont, c'est les, pour ceux-là qui s'intéressent, les diatomées, c'est une sorte de petite algue cristalline. C'est très beau, d'ailleurs, si vous avez un binoculaire, là, puis que vous allez chercher de l'eau, à l'extérieur, l'eau de certains lacs, puis qu'il y a des diatomées dedans. C'est très, très beau, c'est géométrique, c'est cristallin un peu, ça a des formes de cristaux des fois, puis c'est vivant, ça. Mais je savais pas qu'il y en avait enrichi là, des terres. Le miel non pasteurisé est excellent pour les plaies. C'est très indiqué pour l'humain et animaux. Oui, puis j'ai été surpris comment la plaie guérit bien. C'est très rapide, mais c'est vrai que c'est un chat qui est jeune, puis bon, ça guérit plus vite. Mais c'était très étrange parce que quelqu'un en avait parlé pas longtemps avant. Puis tout d'un coup, c'est ça que le vétérinaire me donne. Puis j'étais content aussi que ça avait l'air bien, puis j'ai vu que ça fonctionnait bien. Puis bon, je désinfecte quand même là, avec de l'eau saline. Ils disent que toutes les informations qu'ils donnent sont dites par des entités. Ah ouais. Ouais. Bon, ben, comme ça, au moins, c'est pas long. Je vais dire, mon idée est faite. Ben, si c'est vraiment ça, là, ben, gars, ils sont retombés dans les affaires comme on a vu avant. Puis c'est bon. Ils peuvent bien triper sur l'anglais, puis avoir des noms en anglais, devraient aller vivre en Californie. Hein? C'est à la mode là-bas, les entités. Puis même qu'il arrive certains événements, ben au moins ça sera pas long. Dans le sens, ils souffriront pas trop. C'est qu'il y a de l'huile dans le mélange qu'il spray, ça crée le fog dont Mimi a parlé. André Nadeau en connaît long, mais il n'est pas toujours parlable. Ah, je connais pas. Ça fait un bout de temps, ça, que je me suis intéressé à ça. Parce que ma mère, qu'est-ce que je dis là? C'est pas que je viens de lire ça. Mon père avait été pompier sur des bases où les Américains venaient s'entraîner. Puis il a fait ça un bout de temps, puis après il a fait autre chose dans les années 70. Puis c'est pour ça qu'il est venu dans ma région d'ailleurs. Puis ben, quand j'étais enfant, puis qu'on voyait des traînées dans le ciel, il me disait, ah, oh, ça, c'est des programmes, puis blablabla, il en semence. Puis... Donc ça fait un bout de temps là, que ça, je le sais. Puis je considérais que lui, c'était une source sûre quand même, parce que justement, il savait des affaires. Faut pas s'en faire avec ceux qui disent du négatif. Il y a même des gens qui traitent Bertolt de gourou. Ah oh ouais, pourtant, je suis tout seul dans mon recoin. Je veux dire, un gourou, là, ça a une communauté autour de lui, puis ça vit de ses adeptes. Moi, je fais pas une scène, là, puis je veux rien savoir, là. Même les gens dans la ville où j'habite, ils savent que, bon, je vais avoir la paix, puis me laisse tranquille. Mais c'est pas ça, un gourou, là. En tout cas, ça dépend, là, si vous l'écrivez GURU, là, comme en Inde, là, c'est peut-être encore pire. Oui, cette année, il n'en avait pas beaucoup. Moi, je comprends pas. Ici, j'en ai pas vu du tout. Vous parlez des petites fraises, là. Des fraises des champs, il y en avait dans la cour de ma grand-mère à Bécomo. Ça fait les meilleures confitures au monde. Oui, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir avec des fraises. Des fraises cultivées. Beaucoup moins de petites fraises des champs ici aussi. J'ai surveillé aussi cette année. Même constat, très très peu de fraises sur les plants. Oui, puis c'est pas normal ça. Il faudrait qu'il y ait des gens que c'est leur mandat, s'en occupent. Ah, ça faisait un bout de temps qu'on y avait pas fait sonner le carillon. Ah. Bon, c'est le fun. Ça faisait des années, je l'avais pas entendu. Ils ont recommencé. Bon, ben ça, c'est le fun. J'aime mieux ça que des minarets qui crient. Chertsey aussi, il y a 2 ans, il y en avait plein de fraises et maintenant, il n'y en a pratiquement plus. Oh oui, il faudrait qu'ils surveillent ça. Le ministère de l'Environnement, il nous parle d'autres choses tout le temps. Quand je fais mon repassage, je trouve des filtres presque invisibles, comme pour la pêche transparent. Et quand je demande, personne n'est au courant. Observez surtout les vêtements couleur foncée. Ouais, ça peut être des polymères là, qui sont répandus dans l'air puis qui sont liés entre autres à des choses des additifs qu'ils rajoutent dans les combustibles pour les moteurs d'avion. Puis, ouais. Puis on respire ça, puis on mange ça, puis bon. En tout cas, miel de Manuka, ouais, c'est ça. Quand je repasse, les fils n'arrivent pas à brûler avec le fer à repassage. On dirait des fils métalliques. C'est ça, c'est des polymères. Connais-tu Michel Dor qui publie des textes sur Facebook? Non, moi j'ai pas Facebook, je suis pas sur les réseaux sociaux. Puis j'ai été vers 2011, j'ai été quelque temps sur Facebook. Puis je publiais des petits textes, puis je recevais des appels anonymes et des menaces, puis ça finissait plus. Je suis parti de là. Puis de toute façon, pour être franc avec vous, c'est quoi Facebook? Ben, c'est une façon pour les agences de renseignement de sauver de l'argent. Vous savez, là, aujourd'hui, on a pu afficher les gens, ils se fichent eux-mêmes. Ils se fichent eux-mêmes. C'est ça, Facebook. Donc, mon Facebook, je veux rien savoir. Je connais rien de. Être conscient et bien communiquer n'est pas la même chose que le gourou. En effet, ben, le gourou, c'est un enseignement, c'est de la connaissance. Ce qui m'intéresse plus. Même, ça m'a jamais intéressé. Là, je parlais que ça m'intéressait dans le sens où, à un moment donné, je voulais être instruit au niveau de la connaissance par du monde. Puis finalement, non. Je considère que le savoir puis l'instruction, c'est bien correct. Dans le sens que on est assez téléguidé comme ça. Puis moi, c'est juste donner un son de cloche et tout. Je n'ai pas la prétention d'enseigner rien. Ça fait un bout de temps, certain, l'arrosage, mon grand-père, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, m'en avait parlé. Oh oui, les militaires. Il y a certains militaires qui sont au courant. D'ailleurs, le livre des faces de la CIA. Oui, je vois ça comme ça. Puis à mes yeux, Zuckerberg, c'est rien qu'un front. Ben franchement, de la même façon que il y en a qui aiment bien Elon Musk, c'est un autre. Un autre taf, moi. Non, non, c'est comme on essaie de nous faire à croire que Bill Gates, c'est un génie. Non, non, c'est un front aussi. Il était choisi, puis ben, il est bien content. Du monde, ouais. Non, Bill Gates, juste à l'écouter 2 minutes, puis on voit bien que c'est pas un génie. C'est même pas. En tout cas. Essayez de rester gentil, là. Facebook, on s'en fiche. Ben oui. On est fiché, on s'en fait fiché. Qu'on s'en fiche ou pas, de toute façon, aujourd'hui, ce qui a énormément de valeur, parce que la population est devenue un bassin expérimental qui peut être rentable, aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est des données. C'est pour ça que ceux qui envoient leur ADN à des compagnies là, pour savoir leurs ancêtres, puis des choses comme ça, là, non. Ça a une grande valeur. C'est les compagnies qui devraient vous payer parce que c'est des données. Donc, Facebook est un moyen de faire monter l'attention, la polarisation. C'est un outil. Oh oui, c'est les nouveaux médias. C'est les nouveaux médias. Donc, même si un amalgame de tout ce qu'on a vu avant. Puis, pourquoi c'est gratuit? Ben, parce que c'est les utilisateurs le produit. C'est eux qui se vendent gratuitement, dans le fond. C'est pour ça que, bon, Facebook. Bon, ben, moi, je vais devoir quitter. Alors, ça fait 1 heure et quart. J'essaie de plus faire des lives de 3 heures, là. Parce que, bon, c'est ce qu'il y a de plus de valeur, les données. Effectivement, jamais je donnerai mon ADN, mais non. Des fois, je me demande jusqu'à quel point on n'est pas déjà. André Nadeau étudie très sérieusement ces choses-là depuis 1997. Il a des documents et bien plus. C'est complexe. Mais oui, il travaille beaucoup à manipuler la température. C'est certain, c'est parce que ça a des applications, entre autres, militaires. Mais aussi, la base de l'économie, c'est l'agriculture. Puis il ne faut pas oublier que les premiers grands rois, les premiers grands prêtres rois, c'était lié à des civilisations agraires. Puis l'être humain a toujours voulu contrôler les cycles, il a toujours voulu contrôler. Ah ben, bonne journée, Mimi. Mister Guerrière, gratitude et merci pour ce live. Ben, c'est vraiment un plaisir pour moi, là. Il y a pas. Isia Nature, merci pour ce live. Merci à vous tous. Marie-Jeanne, Mais quand on fait analyser une analyse de ça, est-ce qu'ils prennent notre penser qu'il s'il y a de l'argent à faire, ils le font pas? Prenez Emma Québec, prenez les compagnies pharmaceutiques qui achètent du plasma. Grattez un petit peu, vous allez voir. Il y a une mafia du sang. C'est mondial, mais ça a toujours été. C'est la créance de sang. Bon, en tout cas, puis c'est pour ça que c'est interdit d'acheter ou de vendre du sang. Ça devrait encore l'être. Merci de votre présence. Ah, ben de rien. Mais là, c'est encore plus hypocrite, je trouve, parce que c'est des dons. Puis ensuite, des structures font de l'argent avec ça. Donc, ça fait leur affaire. Hein, que... Bonne journée. Je vais corder mon bois de chauffage aujourd'hui. Bon, ça, c'est le fun. Moi, j'ai même pas rien à corder. Puis, je suis pris avec des calorifères. Donc, bon, ben, bonne journée à tous. Ah, ben, de rien, Lucie. Donc, au revoir.